Et l'Abidjan, toi, rendez-vous des grands cœurs. Abidjanville, des visiteurs. Chasse de ton ciel les nuages gris-noirs des capitales de la Côte d'Ivoire. Oh, belle Abidjan, fierté de l'Afrique. Abidjan, au bord de l'Atlantique. Du peuple et quand on atteint Cocody, on se dit vivre à haut fouet poignée. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Sous un soleil lourd, les Ivoiriens se ruent pour ton marché de Trècheville. Un musulman pris dans un coin reculé, voilà le charme d'une grande ville. Bien sûr, au plateau, les magasins régorgent des articles de Paris. Qui parle Abidjan, parle hôtel ivoire, le gratte-ciel de Cocody. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Un soleil lourd, les Ivoiriens se ruent au grand marché de Trècheville. Un musulman pris dans un coin reclus, voilà le charme d'une grande ville. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Abidjan, tu as le monopole, comme ton peuple est si loyal. Le monopole, comme ton peuple est si loyal.